Dans les deux situations, des travaux sont en cours et il y a même du personnel qui se trouve près de la chaussée. Il devrait être évident pour tous les conducteurs que, quand c'est possible, il est prudent de s'éloigner au maximum de la zone encombrée. C'est une règle de conduite à retenir. Avoir de l'espace permet de se donner du temps pour agir. Attention, bien sûr, à regarder derrière avant de changer de voie. Réponse A.